La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 2e, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cesset, livre, 9e, deux espèces de démons. Chapitre 17. Pour acquérir la vie bienheureuse, qui consiste à participer au souverain bien, l'homme n'a pas besoin de médiateurs tels que les démons, mais du seul vrai médiateur, qui est le Christ. J'admire en vérité comment de si savants hommes, qui comptent pour rien les choses corporelles et sensibles au prix des choses incorporelles et intelligibles, nous viennent parler du contact corporel quand il s'agit de la béatitude. Que signifie alors cette parole de Plotin ? Fuyons, fuyons vers notre chère patrie. Là est le Père et tout le reste avec lui. Mais quelle flotte ou quel autre moyen nous y conduira? Le vrai moyen, c'est de devenir semblable à Dieu. Note. Saint Augustin n'a pas le texte de Plotin sous les yeux. Il cite de mémoire et par fragments et par le passage célèbre de la première Énéade, livre 6, chapitre 8. Fin de la note. Si donc on s'approche d'autant plus de Dieu qu'on lui devient plus semblable, ce n'est qu'en cessant de lui ressembler qu'on s'éloigne de lui. Or, l'âme de l'homme ressemble d'autant moins à cet être éternel et immuable qu'elle a plus de goût pour les choses temporelles et passagères, et comme il n'y a aucun rapport entre ces objets impurs et la pureté immortelle d'en haut, elle a besoin d'un médiateur. Mais non pas d'un médiateur qui tienne aux choses supérieures par un corps immortel et aux choses inférieures par une âme malade, de crainte qu'il ne soit moins porté à nous guérir qu'à nous envier le bienfait de la guérison. Il nous faut un médiateur qui, s'unissant à notre nature mortelle, nous prête un secours divin par la justice de son esprit immortel, et s'abaisse jusqu'à nous pour nous purifier et nous délivrer. Sans descendre pourtant de ces régions sublimes où le maintien, non une distance locale, mais sa parfaite ressemblance avec son Père. Loin de nous la pensée qu'un tel médiateur ait craint de souiller sa divinité incorruptible en revêtant la nature humaine et en vivant, comme homme, dans la société des hommes. Il nous a en effet donné par son incarnation ces deux grands enseignements. D'abord que la vraie divinité ne peut recevoir de la chair aucune souillure, et puis que les démons, pour n'être point de chair, ne valent pas mieux que nous. Voilà donc, selon les termes de la Sainte Écriture, ce médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, 1, Timothée, 2, 1, égal à son Père par la divinité, est devenu par son humanité semblable à nous, mais ce n'est pas ici le lieu de développer ces vérités. Si après le passage célèbre des Énéades cité plus haut. Mais comment fuir, comment s'échapper d'ici, se demande Ulysse dans cette allégorie qui nous le représente essayant de se dérober à l'empire magique de Circé ou de Calypso. Sans que le plaisir des yeux ni que le spectacle des beautés corporelles qui l'entourent puisse le retenir dans ces lieux enchantés. Notre patrie, c'est la région d'où nous sommes descendus ici-bas. C'est là qu'habite notre Père. Mais, comment y revenir? Quel moyen employer pour nous y transporter? Ce ne sont pas nos pieds, ils ne sauraient que nous porter d'un coin de la terre à un autre. Ce n'est pas non plus un char ou un navire qu'il nous faut préparer. Il faut laisser de côté tous ces vains secours et ne pas même y songer. Fermons donc les yeux du corps pour ouvrir ceux de l'esprit, pour éveiller en nous une autre vue, que tous possèdent, mais dont bien peu font usage. Chapitre 18. De la fourberie des démons. Qui en nous promettant de nous conduire à Dieu ne cherche qu'à nous détourner de la voie de la vérité. Quant aux démons, ces faux et fallacieux médiateurs qui, tout en ayant souvent trahi par leurs œuvres leur malice et leur misère, ne s'efforcent pas moins toutefois, grâce à leurs corps aériens et aux lieux qu'ils habitent, d'arrêter les progrès de nos âmes, ils sont si loin de nous ouvrir la voie pour aller à Dieu, qu'ils nous empêchent de nous y maintenir. Ce n'est pas en effet par la voie corporelle, voie d'erreur et de mensonge, où ne marche pas la justice, que nous devons nous élever à Dieu, mais par la voie spirituelle, c'est-à-dire par une ressemblance incorporelle avec lui. Et c'est néanmoins dans cette voie corporelle qui, selon les amis des démons, est occupée par les esprits aériens comme un lieu intermédiaire entre les dieux habitants du ciel et les hommes habitants de la terre, que les platoniciens voient un avantage précieux pour les dieux, sous prétexte que l'intervalle les met à l'abri de tout contact humain. Ainsi ils croient plutôt les démons souillés par les hommes que les hommes purifiés par les démons, et ils estiment pareillement que les dieux eux-mêmes n'auraient pu échapper à la souillure sans l'intervalle qui les sépare des hommes. Qui serait assez malheureux pour espérer sa purification dans une voie où l'on dit que les hommes souillent, que les démons sont souillés et que les dieux peuvent l'être ? Et pour ne pas choisir de préférence la voie où l'on évite les démons corrupteurs et où le Dieu immuable purifie les hommes de toutes leurs souillures pour les faire entrer dans la société incorruptible des anges. Chapitre 19. Le nom de démon ne se prend jamais en bonne part, même chez leurs adorateurs. Comme plusieurs de ces démonolâtres, entre autres l'Abéon, assure qu'on donne aussi le nom d'ange à ceux qu'ils appellent démons, il est nécessaire, pour ne point paraître disputé sur les mots, que je dise quelque chose des bons anges. Les platoniciens ne nient point leur existence, mais ils aiment mieux les appeler bons démons. Pour nous, nous voyons bien que l'Écriture, selon laquelle nous sommes chrétiens, distingue les bons et les mauvais anges, mais elle ne parle jamais des bons démons. En quelque endroit des livres saints que l'on trouve le mot démon, il désigne toujours les esprits malins. Ce sens est tellement passé en usage que, parmi les païens même, qui veulent qu'on adore plusieurs dieux et plusieurs démons, il n'y en a aucun, si lettré et si docte qu'il soit, qui osa dire à son esclave en manière de louange « Tu es un démon ». Et qui put douter que ce propos, adressé à qui que ce soit, ne fût pris pour une injure. Mais à quoi bon nous étendre davantage sur le mot démon, alors qu'il n'est presque personne qui ne le prononce en mauvaise part, et que nous pouvons aisément éviter l'équivoque en nous servant du mot ange ? Chapitre 20. De la science qui rend les démons superbes. Toutefois, si nous consultons les livres saints, l'origine même du mot démon présente une particularité qui mérite d'être connue. Il vient d'un mot grec qui signifie « savant ». C'est l'étymologie donnée par Platon dans le Cratyle. Or, l'apôtre, inspiré du Saint-Esprit, dit « La science enfle, mais la charité édifie. » 1 Corinthiens 8, 1. Ce qui signifie que la science ne sert qu'à condition d'être accompagnée par la charité, sans laquelle elle enfle le cœur et le remplit du vent de la vaine gloire. Les démons ont donc la science, mais sans la charité, et c'est ce qui les enfle d'une telle superbe qu'ils ont exigé les honneurs et le culte qu'ils savent n'être dû qu'au vrai Dieu, et l'exigent encore de tous ceux qu'ils peuvent séduire. Contre cette superbe des démons, sous le joug de laquelle le genre humain était courbé pour sa juste punition, s'élève la puissance victorieuse de l'humilité qui nous montre un Dieu sous la forme d'un esclave. Mais c'est ce que ne comprennent pas les hommes dont l'âme est enflée d'une impureté fastueuse, semblable aux démons par la superbe, non par la science. Chapitre 21. Jusqu'à quel point le Seigneur a voulu découvrir aux démons. Quant aux démons, ils le savent si bien, qu'ils disaient au Seigneur revêtu de l'infirmité de la chair, Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre avant le temps? Marc 1, 24, Matthieu 8, 29. Il est clair par ces paroles qu'ils avaient la connaissance de ce grand mystère, mais qu'ils n'avaient pas la charité. Assurément, ils n'aimaient pas en Jésus la justice et ils craignaient de lui leur châtiment. Or, ils l'ont connu autant qu'il l'a voulu, et il l'a voulu autant qu'il le fallait, mais il s'est fait connaître à eux, non pas tel qu'il est connu des anges qui jouissent de lui comme Verbe de Dieu, et participent à son éternité, mais autant qu'il était nécessaire pour les frapper de terreur, c'est-à-dire à titre de libérateur des âmes prédestinées pour son royaume et pour cette gloire véritablement éternelle et éternellement véritable. Il s'est donc fait connaître, non en tant qu'il est la vie éternelle et la lumière immuable qui éclaire les pieux et purifie les croyants, mais par certains effets temporels de sa puissance et par certains signes de sa présence mystérieuse, plus clair pour les sens des natures angéliques, même déchues, que pour l'humaine infirmité. Enfin, quand il jugea convenable de supprimer peu à peu ces signes de sa divinité et de se cacher plus profondément dans la nature humaine, le prince des démons conçut des doutes à son sujet et le tenta pour s'assurer s'il était le Christ. Il ne le tenta du reste que tant que le permit notre Seigneur, qui voulait par là laisser un modèle à notre imparfaite humanité dont il avait daigné prendre la condition. Mais après la tentation, comme les anges, ainsi qu'il est écrit, Matthieu 4, 3 à 11, se mirent à le servir, je parle de ces bons et saints anges redoutables aux esprits immondes, les démons reconnurent de plus en plus sa grandeur en voyant que, tout revêtu qu'il était d'une chair infirme et méprisable, personne n'osait lui résister. Chapitre 22. En quoi la science des anges diffère de celle des démons? Les bons anges ne regardent d'ailleurs toute cette science des objets sensibles et temporels dont les démons sont si fiers, que comme une chose de peu de prix, non qu'ils soient ignorants de ce côté, mais parce que l'amour de Dieu qui les sanctifie leur est singulièrement aimable, et qu'en comparaison de cette beauté immuable et ineffable qui les enflamme d'une sainte ardeur, ils méprisent tout ce qui est au-dessous d'elle, tout ce qui n'est pas elle, sans en excepter eux-mêmes, afin de jouir, par tout ce qu'il y a de bon en eux, de ce bien qui est la source de leur bonté. Et c'est pour cela qu'ils connaissent même les choses temporelles et muables mieux que ne font les démons, car ils en voient les causes dans le Verbe de Dieu par qui a été fait le monde. Cause première, qui rejette ceci, approuve cela et finalement ordonne tout. Les démons, au contraire, ne voient pas dans la sagesse de Dieu ses causes éternelles et en quelque sorte cardinales des êtres temporels. Ils ont seulement le privilège de voir plus loin que nous dans l'avenir à l'aide de certains signes mystérieux dont ils ont plus que nous l'expérience, et quelquefois aussi ils prédisent les choses qu'ils ont l'intention de faire. Voilà à quoi se réduit leur science. Ajoutez qu'ils se trompent souvent, au lieu que les anges ne se trompent jamais. Autre chose est, en effet, de tirer du spectacle des phénomènes temporels et changeant quelques conjectures sur des êtres sujets au temps et au changement, et d'y laisser quelques traces temporelles et changeant de sa volonté et de sa puissance, ce qui est permis aux démons dans une certaine mesure. Autre chose de lire les changements des temps dans les lois éternelles et immuables de Dieu, toujours vivante au sein de sa sagesse, et de connaître la volonté infaillible et souveraine de Dieu par la participation de son esprit. Or, c'est là le privilège qui a été accordé aux saints anges par un juste discernement. Ainsi ne sont-ils pas seulement éternels, mais bien heureux, et le bien qui les rend heureux, c'est Dieu même, leur Créateur, qui leur donne par la contemplation et la participation de son essence une félicité sans fin. Sur la science des anges, voyez le traité de saint Augustin, de la Genèse au sens littéral, numéro 49, 50. Chapitre 23. Le nom de Dieu est faussement attribué au Dieu des gentils, et il convient en commun aux saints anges, et aux hommes justes, selon le témoignage de l'Écriture. Si les platoniciens aiment mieux donner aux anges le nom de Dieu que celui de démons, et les mettre au rang de ces dieux qui, suivant Platon, Timée, discours de Dieu aux dieux, ont été créés par le Dieu suprême, à la bonne heure. Je ne veux point disputer sur les mots. En effet, s'ils disent que ces êtres sont immortels, mais cependant créés de Dieu, et qu'ils sont bien heureux, mais par leur union avec le Créateur et non par eux-mêmes, ils disent ce que nous disons, de quelque nom qu'ils veuillent se servir. Or, que ce soit là l'opinion des platoniciens, sinon de tous, du moins des plus habiles, c'est ce dont leurs ouvrages font foi. Pourquoi donc leur contesterions-nous le droit d'appeler Dieu des créatures immortelles et heureuses? Il ne peut y avoir aucun sérieux débat sur ce point, du moment que nous lisons dans les Saintes Écritures, le Dieu des dieux, le Seigneur a parlé. Psaume 49, 1. Et ailleurs, rendez gloire au Dieu des dieux. Psaume 135, 2. Et encore, le grand roi élevé au-dessus des dieux. Psaume 94, 3. Quant à ce passage, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Psaume 95, 4. Le verset suivant complète l'idée du psalmiste, car il ajoute « Tous les dieux des gentils sont des démons, et le Seigneur a fait les cieux. » Psaume 95, 5. Le prophète dit donc que le Seigneur est plus redoutable que tous les dieux, mais il entend parler des dieux des gentils, lesquels ne sont que des démons. Ce sont ces démons à qui Dieu est redoutable, et qui, frappés de crainte, disaient à Jésus-Christ « Es-tu venu pour nous perdre ?» Mais quand le psalmiste parle du Dieu des dieux, il est impossible qu'il soit question du Dieu des démons. De même, ces paroles « Le grand roi élevé au-dessus de tous les dieux » ne veulent point dire au-dessus de tous les démons. D'un autre côté, l'Écriture appelle Dieu quelques hommes d'entre le peuple de Dieu. J'ai dit, vous êtes tous des dieux et les enfants du Très-Haut. Psaume 81, 6. Lors donc que le psalmiste parle du Dieu des dieux, on peut fort bien entendre qu'il est le Dieu de ces dieux-là. Et dans le même sens, il est aussi le grand roi élevé au-dessus de tous les dieux. Mais, dira-t-on, si des hommes ont été nommés dieux parce qu'ils sont de ce peuple à qui Dieu parle par la bouche des anges ou des hommes, combien plus sont dignes de ce nom des esprits immortels qui jouissent de la félicité où les hommes aspirent en servant Dieu? Que répondrons-nous à cela? Sinon que ce n'est pas sans raison que la Sainte Écriture a donné le nom de Dieu à des hommes plutôt qu'à ces esprits bienheureux dont on nous promet la félicité après la résurrection des corps, et qu'elle l'a fait de peur que notre faiblesse et notre infidélité, trop frappés de l'excellence de ces créatures, n'en transformassent quelqu'une en Dieu. Or, le danger est facile à éviter, quand c'est de créatures humaines qu'il s'agit. D'ailleurs, les hommes du peuple de Dieu ont dû être nommés Dieu plus clairement, afin qu'ils fussent assurés que celui qui a été appelé le Dieu des dieux est certainement leur Dieu, car, encore que ces esprits immortels et bienheureux qui sont dans le ciel soient appelés Dieu, ils n'ont pourtant pas été appelés Dieu des dieux, c'est-à-dire des hommes du peuple de Dieu, puisqu'il a été dit à ces mêmes hommes, « Vous êtes tous des dieux et les enfants du Très-Haut. » L'apôtre a dit en conséquence, « Bien qu'il y en ait que l'on appelle Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, et qu'il y ait ainsi plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout procède et en qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui ont été faites toutes choses et nous-mêmes. » 1 Corinthiens 8, 5, 6. Il est donc inutile d'insister sur cette dispute de mots, puisque la chose est si claire qu'elle ne laisse aucune incertitude. Quant à ce que nous disons que les anges qui ont été envoyés aux hommes pour leur annoncer la volonté de Dieu sont au nombre de ces esprits bienheureux et immortels, cette doctrine choque les platoniciens. Ils ne veulent pas croire que ce ministère convienne aux êtres bienheureux et immortels qu'ils appellent Dieu. Ils l'attribuent aux démons, qu'ils estiment immortels, mais sans oser les croire bienheureux. Ou s'ils les font immortels et bienheureux à la fois, ce sont pour eux de bons démons, mais non pas des dieux, lesquels habitent les hauteurs célestes loin de tout contact avec les hommes. Bien que cette dissidence paraisse n'être que dans les mots, le nom de démon est si odieux que nous sommes obligés de le rejeter absolument quand nous parlons des saints anges. Concluons donc, pour finir ce livre, que ces esprits immortels et bienheureux, qui ne sont toujours, quelque nom qu'on leur donne, que des créatures, ne peuvent servir de médiateurs pour conduire à la béatitude éternelle les misérables mortels dont les sépare une double différence. Quant aux démons, ils tiennent en effet le milieu entre les dieux et les hommes, étant immortels comme les premiers et misérables comme les seconds, mais comme c'est en punition de leur malice qu'ils sont misérables, ils sont plus capables de nous envier la béatitude que de nous la procurer. Dès lors, il ne reste aux amis des démons qu'une bonne raison pour établir l'obligation d'adorer comme des êtres ceux que nous devons éviter comme des trompeurs. Enfin, pour ce qui touche les esprits réputés bons, et, à ce titre, non seulement immortels, mais bienheureux, auxquels ils se croient obligés d'offrir, sous le nom de Dieu, des sacrifices pour obtenir la béatitude d'après cette vie. Nous ferons voir au livre suivant que ces esprits, quels qu'ils soient et quelque nom qu'ils méritent, ne veulent pas qu'on rende les honneurs de la religion à un autre qu'à Dieu, leur Créateur, source de leur félicité. Markemdanarchive.org, 2019, d'après abbaye-saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.